On accueille Lucas qui vient nous parler du scepticisme. Oui, juste pour préciser, je vais commencer par définir ce que c'est que le scepticisme et ensuite en quoi, en gros, enfin remettre sa place à nuit debout en fait. Voilà, non mais c'était juste pour répondre à ta question. Alors, bonjour, du coup moi je viens pour vous parler du scepticisme. Donc moi j'ai commencé à venir à nuit debout le premier soir. Et j'ai été très heureux de voir ce que c'était en train de devenir. Et en gros, ce que je préférais à Nuit Debout, c'était cette atmosphère de respect et de remise en question de nos débats, de toujours être en train de chercher et de s'améliorer. Et en gros, je me suis posé la question, parce que je voyais des gens qui voulaient aller dans le concret, qui voulaient avancer, est-ce que du coup, cette remise en question n'avait pas ses limites dans une formation politique? Donc d'abord, je vais vous commencer par vous expliquer un peu ce que c'est que le scepticisme. Et ensuite, ouvrir le débat. Je ne vais pas faire une intervention très très longue. C'est essentiellement pour savoir ce que vous en pensez, débattre et puis essayer de changer d'avis. Voilà. Alors d'abord, pour commencer, le scepticisme. Donc c'est un mouvement philosophique qui part du principe que on peut pas être sûr de ce qu'on dit et on ne détient pas la vérité. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas, humainement parlant, pouvoir dire ça, c'est ça, et en être sûr à 100%. Voilà, on part de ce principe-là pour tout le temps pouvoir changer d'avis et jamais avoir une pensée qui est morte. Donc en gros, ça doit pouvoir encourager la recherche et pas avoir une pensée qui s'arrête sur un truc d'absolu. Voilà. Donc les points positifs du scepticisme, si vous voulez, c'est que du coup, il y a toujours cette recherche, on essaie tout le temps de se remettre en question. Donc on a tout le temps des avis qui changent, c'est très niveau-là. Et puis ça permet d'avoir l'esprit ouvert et d'être humble par rapport à ce qu'on pense. Et dans les points négatifs, malheureusement, se remettre tout le temps en question, ça fait toujours tarder le moment où on décide et le moment où on va prendre un choix. Donc, en gros, le scepticisme, il met du temps pour prendre une bonne décision, mais parfois, il peut même remettre en cause le fait de prendre une décision. Donc, en fait, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc, pour continuer, je voulais parler du scepticisme dans le débat. Donc, en fait, par exemple, l'intervention juste avant me permet d'illustrer en fait ce que je voulais dire. En fait, aujourd'hui dans le débat, on a beaucoup de mal à ne pas voir nos arguments comme un truc qui va écraser l'autre. On voit le débat aujourd'hui comme deux personnes qui s'affrontent. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, en principe, le débat, c'est deux personnes qui discutent autour d'un sujet pour essayer d'avancer. En fait, c'est une coopération plus qu'un affrontement. Et aujourd'hui, en fait, on a cette vision complètement biaisée du débat où c'est presque un combat, en fait. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, on assiste à des débats, en fait, qui sont absolument stériles. Puisque personne ne change d'avis, puisque tout le monde pense être absolument dans le juste. Ce qui n'est pas absolument faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus parce qu'il y a des torts partagés. Et donc, en gros, ça vient du fait qu'en gros, on identifie trop les idées d'une personne à qui on est. Par exemple, là, aujourd'hui, je viens vous exposer mes idées, et en gros, j'ai un petit peu l'impression de me mettre à nu, alors qu'en fait, pas forcément. Et du coup, en fait, dès qu'on met nos arguments et que quelqu'un vient attaquer nos arguments, en fait, on se sent attaqué personnellement. Mais ça, c'est une matrice dans laquelle on est rentré. En principe, on n'est pas du tout obligé de rentrer là-dedans. Mais systématiquement, je vois tout le temps des débats comme ça. Avant, c'était comme ça. Juste l'intervention d'avant. C'est des gens qui arrivent, qui vous disent les choses sont comme ça et qui vous écrasent, qui n'ont pas pour but de vous faire progresser, qui ont pour but d'écraser vos opinions. Et souvent d'une manière pas très constructive. Donc moi personnellement, en plus souvent je me trouve un petit peu agressé. Je vois, pour réagir par rapport à l'intervention qu'il y a eu juste avant par la dame qui était juste là, je sais pas si elle est encore là, qui en fait a été, je pense qu'elle voulait exprimer son désespoir, mais elle a été un peu agressive. Et moi je me suis senti un peu, alors que dans le fond on est là pour progresser, on est là ensemble. Je pense que les gens qui sont ici à République autour de ce débat sont plus des gens qui veulent faire changer les choses. Donc en gros je me suis senti un peu agressé, alors qu'en fait je pense que le message qu'elle voulait faire passer était un message positif. Donc voilà. Et donc ensuite je vais parler du scepticisme dans la politique. Alors le scepticisme dans la politique, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les hommes d'État, c'est tous des absolutistes. Ils sont tous absolument sûrs de ce qu'ils vous disent. Ils vous disent les Français ceci, les Français cela, les choses sont comme ceci. Et en fait, ça c'est encore par rapport à ce qu'on disait dans le débat, c'est-à-dire que quelqu'un qui se contredit ou qui va faire des concessions, il est considéré comme faible. Alors moi je ne sais pas du tout pourquoi, mais parce que je pense que ça prend beaucoup plus de force de dire qu'on avait raison publiquement, de dire qu'on avait tort publiquement, que de s'entêter à toujours vouloir avoir raison, alors que peut-être on sait pertinemment que dans le fond on a tort. Donc voilà. Et donc du coup à la télévision on assiste à des débats entre absolutistes, par exemple Moi, le dernier débat auquel j'ai assisté, c'était entre Sarkozy et Hollande aux dernières élections. Et c'était, enfin, moi j'ai trouvé ça absolument ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun fait. Parce qu'ils citaient bien des chiffres hein, pour avancer, pour justifier entre guillemets leurs opinions. Mais en fait, par les journalistes, aucun fait et aucun chiffre n'est jamais vérifié sur le moment. Ce qui fait que nous, on est perdu dans un flou de chiffres qu'on ne peut jamais vérifier. Et en fait, en gros, soit on a choisi notre candidat avant que le débat commence. C'est-à-dire que j'ai rarement vu quelqu'un qui regardait le débat et qui allait changer d'avis en regardant le débat, en fait. Ça vient juste confirmer ce qu'on pense et. Enfin, en gros, c'est toujours un affrontement, c'est complètement stérile. Moi, je trouve ça absolument ridicule. Donc, voilà. Et donc, enfin, pour terminer, je voulais parler du scepticisme à Nuit Debout. Parce que, en gros, quand j'ai commencé par ça, c'est ce respect qui m'a beaucoup plu. Et en fait, plus je vois le mouvement qui avance, plus je vois les gens qui sont déterminés, et en plus, ils ont raison, hein, à rentrer dans du concret, à avancer, à vraiment aller plus loin, en fait, à porter les idées en dehors de la place de la République. Et en gros, je me demande, parce qu'on est du coup amené à se définir, on est du coup aussi amené à définir ce qu'on n'est pas. Et je me demande en fait si en gros la force de ce mouvement, c'est pas justement le doute sur ce qui on est. On est plein de choses en même temps, on veut pas se définir. Et aussi ce qu'on pense, c'est-à-dire que personne ne peut s'exprimer au nom de tout le monde. C'est-à-dire que si jamais il y avait un leader qui devait émerger en fait de ce milieu, il y aurait forcément tout plein de déçus. Et du coup, je pense que ça durerait pas. Donc voilà. Donc en gros, je vous appelle en gros à remettre en cause mon scepticisme, me dire pourquoi est-ce que ce serait bien en fait qu'on arrête de douter et qu'on commence à avancer, ou au contraire aller dans mon sens, enfin témoigner et puis lancer un débat à ce sujet, puisqu'en fait c'était juste une intervention pour justifier un débat. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Je venais juste vous demander si quelqu'un voulait réagir par rapport au scepticisme. Et par rapport à ce que vient de nous dire l'intervenant. Personne ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et je pense que c'est peut-être la distinction entre la reconnaissance, se reconnaître comme faisant partie d'un groupe, à partir d'un statut par exemple, et le respect, qui ne suppose justement pas soit quelque chose en commun, soit d'avoir le rapport en tout cas à une référence qui serait à l'extérieur. Et donc, peut-être de contrebalancer justement ce rapport entre les gens qui est plus effectué sur la reconnaissance en général, pour garder juste cette notion déjà de respect qui est, comme vous l'avez dit, déjà pas si simple, voilà, par rapport à l'agressivité. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Bonjour, excusez-moi. Ce qui se passe en ce moment, c'était. Oui, ce qui se passe en ce moment, c'est dans le mécanisme. Carrément, comme ça, ok. C'est le mécanisme, il est bloqué. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir en arrière. On est obligé d'avancer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Bob Marley, il a dit, hein. D'accord avec toi, il faut aller de l'avant. Mais en gros, moi ma question, c'est un petit peu de demander, en fait, je trouve qu'à Nuit Debout, ce qui est bien, c'est qu'on s'éduque les uns les autres. Et en gros, je pense que pour pouvoir changer les choses de manière durable, il faudrait qu'on puisse d'abord tous savoir pourquoi et comment on est arrivé là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça fait 200 ans qu'on a des révolutions qui sont quand même souvent violentes, et pourquoi est-ce que ça a systématiquement échoué. Donc en gros, moi je trouve que, en fait, c'est pour ça que Nuit Debout, pour moi, est un endroit extraordinaire. C'est parce qu'en fait, on essaie d'apprendre. Et dès qu'on veut rentrer dans un truc, agir, en fait, si on sait pas avant de remplacer, en gros, ce qu'on a déjà là, pourquoi est-ce qu'à chaque fois c'est la même mauvaise herbe qui pousse, bah alors, en gros, je pense que ça aura servi à rien. Du coup, c'est pour ça que, en gros, je suis pas contre une action, même violente, entre guillemets violente. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'elle ait un sens. Mais il faut que d'abord, on ait compris pourquoi on en est arrivé là. Et en plus, je pense que si tout le monde a compris pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, eh ben, on arrêtera d'élire les politiques qu'on élit maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que le problème se résout, enfin, que tout le monde sera mieux éduqué et aura compris pourquoi et comment. Je vous encourage d'ailleurs à lire, par exemple, la Constitution, que pas grand monde n'a lu, et pourtant, c'est très important. En fait, c'est quand même l'organe qui est censé nous protéger du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous lisez la Constitution aujourd'hui, vous lisez que, en fait, bah, y a plein de choses qui ne sont pas conformes à la Constitution. Ça s'appelle la coutume constitutionnelle. C'est en place depuis De Gaulle, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, par rapport à la, au changement de Constitution par rapport à la nationalité dernièrement, il y a écrit dans la Constitution quand même « La nationalité est un droit inaliénable et quiconque, en gros, s'opposerait à reprendre la nationalité de quelqu'un pourrait être poursuivi. » C'est-à-dire que du coup, par rapport à la Constitution, notre Premier ministre pouvait être poursuivi. Et ça, personne ne le sait. Et c'est dommage, parce qu'en gros, c'est quand même censé être notre organe le plus sacré. Voilà. Bon, par contre, là, je divague un peu, je suis un petit peu sorti du sceptique. Donc, aidez-moi, si quelqu'un veut faire une intervention ou quoi, ou remettre en question ce que je dis, ça serait super. Bah, ta question sur le scepticisme est un peu salutaire, c'est-à-dire que effectivement il faut qu'on remette en question nos politiques, nos convictions à nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Sans scepticisme, il n'y a pas de débat, sans débat, on ne peut pas avancer, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pour parler du scepticisme aussi. En scepticisme, j'en connais un, c'est le scepticisme scientifique, qui se base sur une méthode. Et je voulais savoir si, en politique, on pourrait utiliser aussi une méthode qui nous permettrait justement d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Parce que c'est ce qui se passe en science, en fait, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas se baser sur notre cerveau, il fait n'importe quoi. Donc on suit une méthode, la méthode scientifique, je vais pas l'expliquer en détail. Et est-ce qu'on peut avoir la même chose pour la politique, en fait ? Alors je ne détiens pas vraiment la réponse à ce niveau-là, mais je pense que en gros le doute scientifique, ce serait du coup de, en gros à chaque fois que notre cerveau nous dit quelque chose, de vérifier avec un certain nombre d'études ou de méthodes, c'est ça ? En fait, en science, ce qu'on fait toujours, c'est on part d'une observation, c'est-à-dire on observe quelque chose et on va essayer de comprendre comment ça se passe. Donc ce qu'on va faire en première chose, c'est faire une hypothèse, formuler une hypothèse, on pose une question et on essaye de proposer une réponse, et derrière on va essayer de vérifier l'hypothèse. Mais en fait, pour la vérifier, l'hypothèse, il y a plusieurs critères auxquels elle doit répondre. C'est, par exemple, elle doit absolument être réfutable. Si l'hypothèse n'est pas réfutable, on ne peut pas la vérifier, on ne peut pas dire qu'elle est fausse, on ne peut pas dire qu'elle est vraie. Et pareil, pour vérifier l'hypothèse, il y a pas mal de critères, notamment en médecine, où il y a la notion de double aveugle, c'est-à-dire on ne peut pas juste donner un médicament à quelqu'un, regarder, ah ça a marché, il faut faire des études où la personne ne sait pas qu'à prendre un médicament ou un placebo, le médecin ne sait pas s'il donne un médicament ou un placebo pour éviter tous les biais qu'il pourrait y avoir. Et la question, c'est, est-ce qu'il existe une méthode du même type où on peut éviter tous les biais, ou alors est-ce qu'il faut prendre la méthode scientifique et essayer de l'adapter à la politique ? C'est ça ma question en fait. Alors, juste pour rebondir. Non, pas du tout. Non, c'est tout. Parlez, hein. Vous voulez pas vous exprimer à l'intérieur du micro ? Allez-y, on vous entend. Non ? Il y a aussi des Américains qui ont voulu travailler sur la science. Ça s'appelle du bionationalisme. On sait ce que c'est devenu. Voilà. Alors, moi, j'ai pas très bien compris le parallèle que vous venez de faire, mais peut-être. Par rapport à ce que tu disais, en fait, le seul problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui en politique, on a un souci, c'est-à-dire qu'on a tout envie de faire dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on fait primer la rapidité sur, en gros, le bien, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, il faut absolument qu'on fasse vite, parce qu'il faut que les résultats, on les voit, parce qu'en gros, c'est le problème de la démocratie en un sens qui est représentative, c'est-à-dire que pour justifier leur présence, les représentants se sentent obligés de faire des trucs qui se voient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de policiers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une des dernières fonctions de l'État régalien qui permet en fait aux gens de voir que leurs impôts, en fait, ils vont quelque part. Mais alors, dans l'éducation, tout ça, s'ils n'ont pas de gosses, bah, ils peuvent pas savoir. C'est bien dommage d'ailleurs que les gens ne puissent pas considérer ce qui est en dehors de leur perception, mais en tout cas, c'est un peu comme ça. Mais en tout cas, le problème, c'est que si on devait suivre une méthode comme la tienne, mais je pense que c'est en soi, je pense que c'est peut-être vers ça qu'on devrait aller, en fait, ça mettrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc en gros, c'est un peu le principe de la démocratie participative aussi. Si on devait prendre chaque décision en consultant tout le monde, ça prendrait un temps fou, mais au final, ça serait beaucoup plus juste. Donc en gros, à un moment, il faut qu'on fasse un choix entre si on veut aller rapidement ou si on veut faire les choses bien. Et je pense que justement, ici à République, on prend le temps de débattre, etc., pour faire les choses bien, et je pense que c'est important. Voilà. Toujours. Bonjour. Alors ce serait pour rebondir ce que tu disais sur le débat politique où il n'y aurait plus du tout scepticisme. Je pense qu'en fait le problème c'est parce que le débat politique a été polarisé par les médias et qu'en fait ça s'apparente avant tout à des grands shows. Tu parlais du débat entre Sarkozy et Hollande et le but du jeu en fait c'est un grand show quoi. On s'en fout finalement qui va gagner. Et d'ailleurs c'est pas tant les arguments de fond mais c'est surtout la rhétorique. D'Hollande, on a retenu, moi quand je serai président, etc. Et on retient surtout ces formules de style plus que le fond. Donc je pense que surtout, en fait, le gros problème, c'est le débat dans le cercle médiatique. Et ce qui est bien, justement, avec Nuit Debout, c'est qu'on sort, en fait, de ce cercle médiatique, notamment parce qu'on s'impose des règles, on essaye de pas monopoliser la parole, on se l'échange assez rapidement et chacun, en fait, peut parler. Et après, moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais. Je pense que tu es plus une scientifique dure, des côtés des sciences dures, non ? Moi, je pense que c'est un peu dangereux de vouloir appliquer aux affaires humaines, en fait, des méthodes scientifiques, parce que du coup, ça peut ouvrir la voie à pas mal de choses. Et moi, du coup, je me place, en fait, du côté des sciences humaines, où, en fait, du coup, quand on est face à un argument ou face à quelque chose, en fait, on essaye de multiplier les sources et multiplier les points de vue, donc du coup, ce qui est tout à fait souhaitable dans un débat, pour en fait avoir le plus d'informations possibles et après choisir du coup ce qui nous intéresse si je reviens plus dans le débat. Voilà. Pardon. Justement, sur la différence sciences dures, sciences humaines, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, effectivement, je viens plus des sciences dures et dans mes études donc de physique et de chimie, j'ai jamais vu la méthode scientifique. Je me suis intéressée à la méthode scientifique justement quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait du côté des sciences humaines. Et comme c'est une science où les gens se sentent plus concernés et ont l'impression de connaître alors qu'en fait, ils sont en plein dedans, donc c'est un peu le contraire. Justement la méthode scientifique est bien plus rigoureuse dans les sciences humaines que dans les sciences dures. Enfin moi c'est l'impression que j'en ai eue. Oui, pour rebondir sur cette question-là, en fait la méthode scientifique elle est quand même toujours pour que les résultats puissent être considérés comme des résultats, ils sont interprétés. Une interprétation, ça nécessite une théorie. Une théorie, elle doit s'appuyer soit sur des énoncés précédents, soit sur quelqu'un qui fait autorité. Et dans tous les cas, la méthode en elle-même ne produit rien s'il n'y a pas quelqu'un pour l'interpréter derrière. Et on peut voir en effet... bon, d'ailleurs, on pourrait faire une comparaison à la limite avec le pouvoir administratif. Hein. La question de la responsabilité se poserait aussi. On voit ça par rapport même aux scientifiques maintenant, quand il y a des catastrophes. On leur pose la question, mais est-ce que vous auriez pas pu le prévoir ? Bah non, parce qu'on est des scientifiques, on n'est pas des politiciens. Le politicien, c'est celui qui décide. Le scientifique, il peut pas décider. Il peut aider, il peut accompagner, mais il peut pas décider. Donc, question de la responsabilité, question aussi de qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que pendant le... Enfin, voilà, Hitler, quand même... je sais pas si vous connaissez un petit peu Schmitt, mais Schmitt, c'était un théoricien du fascisme. Et il s'appuyait sur un... énorme, vraiment, il s'appuyait et il considérait que c'était la méthode scientifique, mais voilà, on peut en faire tout de cette méthode-là. Tout dans le bon sens comme dans le pire, quoi. Lucas, tu veux réintervenir ? Je voulais dire que j'étais en même temps, j'allais dire remettre en question ce qui vient d'être dit, mais par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait des résultats, je pense que c'est vrai que du coup, comme dès qu'on a des résultats, en fait, du coup, bah, il y a des interprétations, mais après, je pense que un des rares trucs qui, en gros, enfin, je dirais que là où il y a les limites du scepticisme, c'est dans les faits. Bon, après, le problème, c'est qu'on peut toujours remettre en question les faits qu'on sait. Mais en règle générale, quand même, on va dire qu'une étude ou un truc entre guillemets scientifique, ça, c'est un peu l'inverse du domaine de l'opinion, puisque du coup, on va avoir quelque chose de concret à mettre derrière ce qu'on pense. Mais bon, après, ces études se posent la question de la source, se posent la question de quand est-ce qu'elle a été faite, par qui, enfin, c'est... Du coup, c'est toujours un peu compliqué, parce que même, enfin, des études scientifiques, il y en a eu plein, et des études scientifiques qui viennent contredire d'autres études, bah, il y en a aussi des masses. Du coup, c'est un peu compliqué de... Tiens, je te laisse réagir. Sur le fait des études qui viennent contredire d'autres études, je suis d'accord, mais en fait, justement, la science a mis en place quelque chose pour répondre à ces problématiques. C'est le consensus, les méta-analyses, c'est-à-dire qu'une étude, déjà pour être validée, il faut quand même qu'elle soit reproductible et reproduite. Et si on se rend compte que c'est un faux négatif, on va la mettre de côté. Alors que si on arrive à la reproduire, elle va devenir plus intéressante. Et c'est pour ça que d'où l'intérêt de faire des méta-analyses derrière, c'est-à-dire s'intéresser à un sujet, prendre le maximum d'études qui a été fait dessus et regarder s'il en sort un consensus ou pas du tout. Et du coup, on tombe dans l'étude d'études, en fait, au final. C'est un peu ça. Mais après, je vois ce que tu voulais dire. Mais c'est juste que, par exemple, en fait, le problème, c'est que le scientifique, il a besoin d'argent pour faire ses recherches. Et du coup, souvent, en fait, le milieu scientifique et le milieu politique et lobby même est un peu mêlé. C'est-à-dire que, par exemple, t'as tout plein d'études qui sortent, qui sont, au final, des inepties, quoi. En fait, moi, j'ai regardé tout plein d'études scientifiques, en gros, qui avaient été, par exemple, toutes les études scientifiques des climato-sceptiques. En fait, qui te disent absolument, il n'y a pas aucun problème avec le climat, hein, c'est tout va bien, tu vois. Et des trucs. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, après, il faut qu'on fasse un deuxième cycle de pensée. Mais après, du coup, ça revient à remettre en cause. Bah, du coup, après, tu pourrais même te dire que tu pourras faire des méta-méta, c'est-à-dire remettre en cause tes études, tu vois, genre faire des études. Enfin, ouais, tu vois. Bah ouais. Vraiment, voilà. Si quelqu'un d'autre veut réagir. Je ne sais pas si ce que je vais dire va apporter grand-chose, mais il me semble que la méthode scientifique, en gros, c'est on part d'une hypothèse, enfin à partir d'une observation, et en gros, enfin pour faire vite, on la vérifie par une expérience, des expériences, et ainsi de suite. Or, pour ce qui concerne le débat politique et social et économique, c'est assez compliqué de même si on a des observations qui sont plutôt claires et qu'on formule des hypothèses qui peuvent être intéressantes, de les vérifier systématiquement par l'expérience et par d'autres expériences, on ne sait jamais trop où ça va et ça peut éventuellement faire beaucoup de dégâts. Après, moi, j'ai envie de revenir aussi sur cette idée d'urgence, de traitement de tout et n'importe quoi, en fait, dans l'urgence, dans l'immédiateté. Enfin, voilà, c'est les... C'est ce que font les politiques relayées par les médias et finalement souvent pour récupérer des voix, en justement, comme tu disais, en montrant comme ça qu'ils font quelque chose, mais finalement ils ne réfléchissent finalement pas tant que ça à ce qu'ils font et voilà, souvent pour servir des intérêts d'ailleurs qui sont même pas d'abord les leurs et puis pour récupérer des voix quoi. Finalement, je sais pas, Valls ou n'importe qui. Peut-être que dans l'intimité, il a des idées très pertinentes qui n'ont rien à faire dans son rôle de Premier ministre. Enfin voilà, donc sur ce truc de l'urgence, et même je crois que c'est assez vrai pour tout dans la vie, que c'est vraiment un truc très très problématique auquel on est en permanence appelé à réagir comme ça, l'immédiateté d'Internet, de tout ça, enfin... On est très très habitué à ça et je crois que c'est vraiment le fondement du fonctionnement de notre société et de nos aussi à nous qu'à remettre en cause. Pardon, je suis un peu fébrile. Après, je me pose aussi la question de on n'est jamais dans l'urgence, on prend le temps de réfléchir, de parler, de s'écouter et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça après? Enfin, voilà, c'est toujours cette question. Enfin, voilà. Alors, on a une question ici. Ouais, plusieurs choses. La question des climato-sceptiques, en fait, met le doigt là-dessus. C'est du coup le risque avec cette méthode du scepticisme, c'est de les laisser poser les questions, en fait, à faire ce débat entre est-ce qu'il y a le climat, est-ce qu'il n'y a pas le climat. Ce qu'ils font exprès de faire, les climato-sceptiques, du coup, c'est de nous faire oublier, par exemple, qu'on a des ressources finies, ce qui est un problème écologique, c'est important quand même, et nous faire réfléchir à est-ce qu'il y a du réchauffement climatique ou non. Ça peut le faire oublier. Deuxièmement, j'ai loupé le début, mais est-ce que quand tu parles de scepticisme, tu parles de doute, de douter aussi? D'accord. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème des politiciens, je trouve, à ce niveau du scepticisme, c'est qu'on ne connaît pas leurs hypothèses, en fait. On ne sait pas sur quoi ils se basent pour fonder leur manière de réfléchir. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas les contester à partir de leur propre hypothèse. C'est-à-dire que, personnellement, par exemple, au niveau historique, je pourrais trouver des faits qui diraient que les trucs de Macron, c'est des conneries. Mais le problème, c'est que comme lui n'a pas mis sa méthode, je ne peux pas le contester parce qu'il n'y a pas de méthode. On n'a pas de sol commun pour nous entendre. Et il profite en permanence de ça. Il ne propose jamais, je me pose d'une méthode historique ou scientifique ou quoi que ce soit. Puisque, comme il n'y a pas de méthode, comme il n'y a pas de sol, en fait, dans ce qu'il raconte, ils sont en permanence en altitude, en train de parler de choses et d'autres. Et on ne peut pas vraiment les contester depuis le sol, depuis les faits et le réel. Voilà. Alors, je pense que c'est très vrai ce que tu viens de dire, mais je pense qu'en fait, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fait pour que, du coup, bah, on soit perdu et qu'on se dise, bah, je comprends pas ce qu'il dit, donc peut-être qu'il est plus intelligent que moi, donc difficile à dire. Donc, du coup, en fait, en soi, je pense que, en fait, ça les arrange qu'on puisse pas discuter avec eux. Ça les arrange qu'on pense qu'en gros, c'est pas le même langage. D'ailleurs, le langage politique, en gros, il est devenu complètement. En gros, ils ont vidé de sens les mots, en fait. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des mots qui n'ont plus aucun sens, qui sont. Je me souviens, c'était plus si c'était sous le mandat de Sarkozy ou sous. Je crois que c'était sous Sarko où on avait parlé de récession positive. Et quand on commence à arriver à ce genre d'absurdité du langage, ben en fait, on est complètement perdu. C'est-à-dire que du coup, les mecs pourraient te sortir des néologismes à tout va, t'en saurais rien, et c'est. En gros, ils donnent le sens qu'ils veulent aux mots. Je me souviens plus de. Je voulais réagir à ce qui avait été dit avant, mais je me souviens plus. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, peut-être. Encore. Alors avec des mots, on peut dire des mots. Ça fonctionne ? Pardon, monsieur ? Ok, d'accord. Ouais, je parlais quand même, monsieur. Avec des mots, on peut dire des mots, oui. Mais faut faire attention aux mots. Ça peut blesser, ça peut faire mal. Ça peut attendrir. Ça peut déstabiliser. Ça peut faire tout, les mots. Toujours des mots. Mais je veux entendre un mot. Juste un mot. Quelqu'un veut reprendre la parole ? Bon, Lucas, je te rends la parole. Par rapport à ce que tu viens de dire, la thématique du langage, d'ailleurs, on est en train d'en parler juste avant, je trouve que c'est un truc hyper intéressant. Et d'ailleurs, ici, au final, à Nuit Debout, on s'intéresse pas mal à, je pense, aux rapports de domination qui sont présents dans notre langage. Et en gros, il y a beaucoup de gens... J'ai un petit peu fait l'expérience de ça parce que j'ai modéré l'AG lundi dernier de 22h à 2h, et j'ai fait l'erreur de dire droit de l'homme à un moment au lieu de droit de l'humain. Et en gros, je me suis fait reprendre plusieurs fois, mais en fait, c'était pas. Mais je suis d'accord en fait avec ce qu'ils disent. C'est juste que, en fait, moi je pense qu'il y a un souci dans le fait de s'attaquer au langage, parce qu'en fait, c'est un peu comme s'attaquer à la fleur d'une plante. C'est-à-dire, de domination, tu les as intériorisées, et en fait, le langage, c'est la conséquence de ces trucs là. C'est aussi leur expression, et je pense qu'après ils en causent d'autres, parce que du coup après le langage il influe d'autres trucs. Mais par contre, en fait, je pense que aussi il faudrait régler le problème. En fait, si t'empêches quelqu'un de dire des insultes qui sont par exemple homophobes, etc., et qui en gros il peut intégrer de pas les dire, mais il peut continuer à penser ce genre de choses là et en gros tu peux en fait en gros avoir des gens qui s'expriment de manière socialement acceptable mais qui ont des pensées qui ne le sont pas. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que simplement les expressions extérieures que sont le langage, que sont la psychogestuelle, etc., et en fait aller vraiment dans ce que les gens pensent, et de du coup faire une éducation complète en fait, plutôt que simplement se baser sur le langage. Je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait le langage c'est un peu tout ce qu'on a pour penser, on n'a rien d'autre, on a que le langage. Donc si on utilise un langage, enfin du vocabulaire oppressif, forcément les idées qu'on va avoir derrière sont oppressives. Alors que si on essaye de supprimer ce langage oppressif et de le remplacer par quelque chose d'autre, ça peut aussi influencer sur les idées derrière. Donc moi je trouve ça super important justement de se débarrasser de ce vocabulaire là. Je pense que t'as raison aussi, mais c'est juste qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu restrictif de s'intéresser que au langage. C'est-à-dire que par exemple, ouais, bien sûr, c'est vrai, mais je trouve que souvent, par exemple, on parle pas de la posture que tu vas avoir, la gestuelle que tu vas avoir, ton ton. En fait, en disent autant sur ce que tu penses que les mots que tu vas utiliser. C'est-à-dire que les rapports de domination, ils sont pas simplement présents simplement que dans le langage, ils sont présents plus largement dans tout ce qu'on fait, en fait. Et du coup, en fait, le travail sur le langage, je pense que c'est un début, mais il faut l'élargir. C'est-à-dire qu'en fait, Après, c'est vrai que quand on voit pas quelqu'un et qu'on entend ce qu'il dit, il y a que ça qui va nous percevoir. On va entendre aussi le ton de sa voix, s'il parle avec, il va parler de manière hachée ou s'il parle de manière continue. Mais c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis étudiant comédien et en gros, parfois, pour exprimer la colère, ça va être beaucoup plus fort d'utiliser des mots gentils et doux sur un ton qui va être extrêmement autoritaire et strict que d'utiliser une débauche de mots violents, mais qui en fait derrière il y a rien. Si tu veux. Donc en fait. Je trouve que les autorités et les rapports de domination, il faut pas les simplifier. Et je trouve que c'est juste ça un peu ce que je reproche entre guillemets, mais en vrai, je suis quand même dans l'ensemble complètement d'accord avec ce qui est dit à ce niveau-là. Moi, je suis plus d'accord avec toi et un peu moins avec toi parce que je pense que, comme tu disais, effectivement, on pense avant tout grâce au ton de langage et on exprime nos idées grâce au langage, et surtout que si on s'attache trop sur la gestuelle, en fait, du coup, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est un peu timide, qui va mâcher ses mots, ou à l'inverse, quelqu'un qui va un peu se laisser emporter par son discours, parce que peut-être qu'aussi il est pris par le tract, et on va le juger plus là-dessus, plus que par ses pensées. Et après, pour revenir au scepticisme, moi, je pense qu'aussi, ce qui est fondamental, c'est se responsabiliser individuellement, et qu'en fait, à chaque fois, bon, tout à l'heure, on parlait des climato-sceptiques. Bah, certes, ils donnent un avis, il faut aussi aller voir ce qu'ils disent et surtout multiplier les sources en fait et regarder ailleurs ce qui se dit. Et je pense que même pour revenir sur le langage, c'est important aussi de prendre un peu de temps pour décortiquer le langage utilisé par certains hommes politiques et voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que bon, il y a notamment toute la période néolibérale des années 90, ça a complètement transformé le langage politique et ça, c'est important aussi d'en être conscient. Hier soir, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais Fakir m'a mis une petite vidéo sur leur lien Facebook où il y a le rédacteur qui a réussi à avoir un interview avec un secrétaire d'État pour la loi El Khomri. Et en fait, il montre très bien que le mec, déjà, il lui pose une question fermée. Il ne va jamais répondre par oui ou par non, mais sans cesse reposer une nouvelle question en fait pour ne pas avoir à... Et il va répéter, par exemple, je crois, 3 ou 4 fois le même mot, celui de souplesse. Ce qui est un peu au cadre dans le corps de cette loi. Et du coup, je pense qu'on a vraiment un devoir en fait de prendre du temps pour réfléchir à ça et faire l'effort intellectuel d'essayer d'analyser un petit peu ce qui se trame derrière, quoi. Ouais, en fait, là-dessus, je suis assez d'accord que la réflexion sur les mots et le langage, parce que c'est distinct, les mots et le langage est extrêmement importante. Je vais reprendre une phrase d'un philosophe, Wittgenstein, qui dit « La philosophie est un combat contre l'ensorcellement de notre intelligence par les ressources de notre langage. » Et en gros, je fais ça un peu caricaturalement, mais quand quelqu'un n'est pas en train de faire ça, c'est qu'il n'est pas en train de faire de la philosophie. Je pense à Finkielkraut, par exemple. Et donc là-dessus, je suis d'accord qu'il faut y réfléchir, mais justement, il ne faut pas les laisser dicter les conditions de cette réflexion. Il ne faut pas réfléchir à partir de ce que nous donnent les politiques, parce que c'est faisable à petite échelle, mais quand en permanence, 3h30 par foyer, par jour, la télévision par exemple, les gens reçoivent ce genre d'informations, c'est difficile, un mot par un, de montrer « oui, bon, alors il dit souplesse, mais qu'est-ce que la souplesse, etc. » La réflexion, elle doit être plus fondamentale, et elle doit être sur comment fonctionne le langage lui-même. Bon, alors là, on commence un peu à... ça devient un petit peu compliqué, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les laisser dicter les conditions. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'entendais dans ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, et j'entendais dans ce que vous disiez aussi que si finalement on n'invente pas des nouvelles avec les mots de nouveaux paradigmes, on peut que penser contre ou penser pour. Donc, ça reste dans un espèce de binarisme duquel on peut pas s'extraire si justement on n'invente pas de nouveaux concepts pour penser les choses autrement, pas pour, contre, mais autrement. Pour répondre sur tout ça, on parle de langage et tout ça et de cette binarité où on se positionne pour ou contre. Et il y a quelque chose de frappant, hein, même si ce que tout le monde dit, c'est que beaucoup commencent leur intervention par « je suis d'accord » et développent. Mais en fait, on n'a pas à dire « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Enfin, c'est déjà sortir de cette binarité, quoi. On a le droit d'écouter, d'entendre et de et de pas prendre position tout de suite si je suis d'accord ou je suis pas d'accord. C'est déjà le point de départ de défasciser le langage. Enfin, parce que ce soit corporel ou quoi que ce soit, effectivement, ça instaure très vite, pour ceux qui le maîtrisent à peu près et ceux qui le maîtrisent moins, des rapports de domination, comme ce que tu disais tout à l'heure, qui excluent du débat beaucoup de gens. Et ce que font ces gens à la télé, c'est de la rhétorique, enfin, c'est de la rhétorique sophiste, enfin, qui existait dans l'Antiquité grecque, quoi. Avec des mecs qui maîtrisaient le langage et qui bluffaient tout le monde. Les Zemmour et tout ça, c'est ce qu'ils font. Après, ce qu'ils énoncent, ça n'a aucune valeur parce qu'ils sont uniquement là pour convaincre en bousant, pas forcément les gens présents sur le plateau, mais surtout tous les gens qui les regardent et justement qui sont complètement dominés par cette impression qu'ils ont qu'ils ne comprennent pas ce qui est dit. Un truc d'impressionnement comme ça. Mais c'est, je veux dire, qu'on possède, enfin qu'on maîtrise le langage ou pas, ça doit cesser d'empêcher de croire à ce qu'on ressent aussi et à ce qu'on pense, même si c'est pas exprimable facilement. Enfin, pour en revenir à, je sais pas, parler de mots, c'est, enfin les mots c'est que des mots, quoi. Oui, moi, ça serait par rapport au scepticisme, justement. On entend que les sceptiques de ce mouvement le sont parce que c'est un mouvement qui n'est pas assez rassembleur, etc. Est-ce qu'on peut considérer qu'un discours qui rassemble, qui unifie, et du coup rend moins les gens sceptiques qu'un discours qui divise Moi, je voulais juste préciser que je suis complètement sceptique à mort. Mais que par contre, je suis complètement fan de ce mouvement. Hein. Je continue à venir tant que. Donc voilà. Mais par rapport au discours, c'est très compliqué. Bah, c'est-à-dire que justement, ça c'est parce qu'on est rentré dans une matrice où tous les discours qu'on entend, on a envie qu'ils aillent dans un sens. On a envie qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne reculent pas, qu'ils se remettent pas en question. C'est-à-dire que par exemple, là, quand je vous expose ce que c'est que le scepticisme, vous n'avez pas envie que je remette en question mon scepticisme. Parce qu'en fait, c'est un peu chiant. Déjà, ça commence à. Vous avez quelqu'un en face de vous qui remet en question ce qu'il dit. Donc, en fait, ça complique le débat. Du coup, ça vous oblige à réfléchir au truc. Du coup, et comme on n'est pas habitué à ça, on est habitué à des absolutistes qui vous disent ceci est comme cela, ceci est comme cela. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai vu quelques discours allagés comme ça, qui étaient un peu ça, où j'entendais des discours où tout le monde était d'accord, où ça allait dans un sens, etc. Mais à chaque fois, moi, j'avais envie de dire, oui, mais quelles sont les limites de ce discours-là ? Dans un discours, c'est difficile. C'est difficile de se remettre en question. Je pense que dans un mouvement comme celui-ci, je pense que le rôle des autres, c'est peut-être de remettre en question les discours absolutistes. Et du coup, mais quand même, je pense qu'on peut avoir un discours qui est rassembleur et où on dit les choses, et en même temps, quand on le prend à part, la personne peut vous dire oui, mais en même temps, en gros, je pense aussi qu'il y a ces limites-là pour ces choses-là, etc. Je pense qu'en gros, cette personne-là, il faut qu'elle puisse aussi se dire qu'elle détient pas la vérité, mais qu'en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'elle pense. Elle peut en être fière, mais que en tout cas, ça doit pas être définitif. Les choses ne sont pas définitives. Si ça se trouve, enfin, tout peut être amené à être mis en question. Enfin, moi, je pense que c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur quand on me parle de manière agressive et quand on me dit les choses sont comme ceci, ta gueule, j'ai raison. Parce qu'en gros, ça enferme le débat dans. Enfin, ça clôt le débat tout simplement. Ça l'enferme soit dans un truc d'affrontement hyper agressif entre deux opinions qui n'a aucun intérêt parce qu'il est hyper stérile. Soit, en gros, ça amène à. Bon, moi, j'ai déjà discuté par exemple en tant que sceptique avec des absolutistes. Et en gros, moi, je reculais. Et en gros, moi, en gros, je me remettais en question. Donc, j'apprenais des choses sur moi, mais la personne en face, pas forcément. Ouais. En petit. Bonne question. Je sais même plus en plus. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Merci. Non, il me semble que le plus grand des scepticismes par rapport à ce mouvement, c'est par rapport à sa nature même. C'est-à-dire que si on considère que on a eu toujours les mêmes effets avec, enfin les mêmes causes ont entraîné les mêmes effets, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des modèles qui sont voilà, on n'est pas d'accord avec quelque chose, on fait une manifestation qui mène à rien si ce n'est à fatiguer les manifestants. On a eu des gens qui dominent le débat par leur ego, simplement, par la violence des mots ou la violence des actions policières, etc. Je pense que ce qui peut qui peut balayer ou qui peut fragiliser au maximum le scepticisme des gens qui observent le mouvement ou même qui y participent, c'est d'y voir naître des éléments qui sont anormaux, dans le sens où qui sont différents. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il n'y ait pas de leader, c'est fondamental pour le bouleversement d'un nouveau mouvement, parce que s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'ego. Je pense aussi que... Oui, en tout cas, voilà, il n'est pas développé. Il n'a pas les conditions pour pouvoir se développer au maximum, comme les médias sont exactement les meilleures conditions pour permettre à des gens qui ont déjà un problème d'ego de le surdévelopper et de ne rien construire, mais juste de se faire mousser, quoi. Et après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au langage, j'ai l'impression, et ça aurait été vachement bien qu'ici, il y ait quelqu'un qui soit dans le marketing, parce que je suis fondamentalement persuadé que les médias, dans leur forme, permettent à des hommes politiques de se vendre comme des produits, juste sur une forme sans fond. Ils vendent des programmes que de toute façon les gens ne lisent pas. Ce qui plaît, moi je me rappelle des élections avec Ségolène Royal, les commentaires c'était j'aime pas son sourire, j'aime pas sa façon de s'habiller. C'est ça, et ça c'est quoi? C'est pas que les gens sont particulièrement stupides, c'est que les médias ne mettent en valeur que ça. Les médias sont faits clairement, comme il a été dit à la télévision plein de fois, ils sont faits que pour faire de la pub et vendre des... Ils n'ont pas de valeur pédagogique non plus. Donc c'est tout ce terreau là qui... C'est pas les... Pardon, je parle trop longtemps. Voilà, excusez-moi. Oui, Pascal, donc moi je... Pour parler du scepticisme, je voudrais pourquoi pas proposer aussi d'autres mots. C'est-à-dire que moi, quand je viens ici ou même dans ma vie, je doute, j'hésite, j'ai peur. Et justement, je te dis ça, puis tu réagiras par rapport au scepticisme. Et moi, je pense qu'on est face à souvent des gens qui modélisent, qui nous imposent des croyances et des convictions et qui nous interdisent le doute pratiquement. C'est-à-dire il faudrait être toujours en accord ou partie prenante, ou alors même en opposition, mais à ce moment-là, on se déclasse, quoi. C'est-à-dire on finira exclu. Donc je ne fais pas long, hein, mais voilà, moi, mon idée, c'est comment on peut transformer des mots un peu forts en les reconnectant peut-être avec des mots qui parlent plus aux gens pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger ou pour redonner confiance, redonner de l'énergie. Enfin voilà, merci. Ouais, je peux pas parler trop près parce que j'ai un herpès, mais vous me dites si vous m'entendez. Ouais. Alors, je voulais dialectiser un petit peu justement le débat. Alors, on a beaucoup parlé du langage et de la pensée, donc apparemment, on s'est tous mis d'accord sur le fait que le langage était utile à la pensée. Moi, je pense que la pensée préexiste au langage, en fait. Et donc, je fais un peu d'antispécisme en même temps. Et donc il y a plusieurs expériences dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine de la télépathie ou toutes ces choses-là qui montrent que c'est l'émotionnel en fait qui donne l'idée avant le langage. Donc finalement qu'on n'aurait pas besoin de construire de la pensée à partir du langage, qu'il y a des êtres qui sont capables d'échanger sans mots, quoi. Voilà, c'était juste pour ajouter une autre idée. Il faut juste faire une distinction par contre entre langage et mots. C'est-à-dire que par exemple, t'as les fourmis qui ont un langage, mais elles n'ont pas de mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à la personne qui m'a parlé du doute et de la peur. Par contre, je pense que c'est important de faire cette distinction-là. Et t'as tout à fait raison quand tu dis... Parce que en fait, j'avais un peu peur en venant ici en parlant du scepticisme, parce que je me suis dit, si ça se trouve, les gens ils vont avoir peut-être un peu peur du mot qui est un peu savant. Mais enfin, au final, c'est très simple, hein, le doute systématique, c'est comme ça que je dirais. Mais... par contre, je pense que c'est pas une peur, parce que je pense que la peur, elle aveugle, elle nous empêche de penser. Donc en fait, je pense que le doute, ça demande du temps. Et quand on est dans la peur, on prend pas le temps. Donc en fait, pour moi, quand je doute, en fait, c'est un doute serein. Et je pense qu'en plus, même la plus grande sérénité que peut t'apporter le doute, c'est d'être serein par rapport à un truc que tu sais que tu peux pas savoir. C'est-à-dire que par exemple, on va dire, idéalement, on aimerait tous savoir le sens de la vie, enfin, un truc comme ça, tu vois. Mais en réalité, est-ce que c'est pas intéressant de se dire que dans tous les cas, enfin, ce truc-là t'échappe, bon, tu vas chercher à savoir, ça c'est pas très grave, mais ce truc-là t'échappe et tu es serein par rapport au fait que tu ne peux pas voir. Ça, je trouve que c'est un peu le but du scepticisme, c'est aussi en même temps être serein par rapport au fait que les choses nous échappent dans leur essence. Que du coup, en fait, on est très subjectif et que c'est vraiment très difficile de remettre de percevoir ce que les autres peuvent ressentir. Et du coup, ça nous amène à remettre en question ce que nous on ressent et du coup, les mots qu'on prononce, parce que même si les mots qu'on prononce n'ont pas forcément un sens qui est très fort pour nous, et ben peut-être que pour les autres, ils peuvent être très blessants. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut absolument tout remettre en question. Et même ce que j'ai dit par rapport tout à l'heure au langage, il faut absolument que je le remette en question aussi. Et d'ailleurs, en venant ici, j'ai vachement changé d'avis sur plein de trucs et je trouve ça super. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Je voulais te poser une question par rapport au scepticisme, parce que je suis arrivée juste au moment où tu parlais des limites du scepticisme, alors je sais pas trop ce que tu as dit comme limite, mais ça m'a fait penser à une blague de philosophe sur un philosophe antique justement qui était sceptique, mais je sais plus qui c'était, mais bref, on raconte que ce gars, justement, il était tellement sceptique qu'il était obligé à chaque fois qu'il se baladait, de se balader avec ses potes pour qu'il lui indique genre le chemin, parce qu'il disait, si ça se trouve, je rêve le chemin, si ça se trouve, c'est pas un vrai chemin. Donc en fait, la question que je voulais te poser, c'est... Si on doute comme ça, ce qui est très bien en soi, enfin voilà, c'est très important de remettre les choses en question, mais comment tu effectues le passage du doute radical des choses à justement une politique et à un vivre ensemble ? C'est une excellente question. C'est pour ça justement que, en gros, je voulais avoir d'autres avis que le mien, mais en gros, comment faire ? En fait, t'as complètement raison par rapport à ce que tu disais, par rapport aux philosophes. En fait, le problème, c'est que le scepticisme, il a pas de limite. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'en reviens à parfois remettre en question donc ton identité, qui tu es, ce que tu sais. Et du coup, en fait, tu peux vraiment te perdre dans des abysses de trucs, en fait, qui sont des cercles de pensée qui, en fait, ne servent à rien. Mais parfois, ton scepticisme, en fait, n'a pas de limite. C'est un peu ça, je pense, le problème du scepticisme, c'est que c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Mais, alors, pour replacer ça dans... je dirais qu'il faut se servir des faits et des, au final, une méthode. Enfin, moi, pour moi, je pense que c'est peut-être quand même ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que les faits s'opposent un petit peu au scepticisme dans le sens où c'est quand même ce qui se rapproche, enfin, le plus d'une vérité. Enfin, c'est plus proche de la vérité qu'une opinion. Tu vois, qu'une hypothèse qu'on pourrait faire. Parce qu'il y a, en gros, ils ont essayé de rassembler. En fait, c'est déjà plein d'opinions rassemblées. Tu vois, en gros, une étude. Enfin, pour moi, c'est ça. Et du coup, au final, c'est un peu comme ça. Je pense que c'est en étudiant les choses, etc. Et puis surtout en prenant en compte la sensibilité de tout le monde et en remettant en cause du coup qui on est et se dire qu'en fait, bon, on est qu'une toute petite chose dans un très grand truc, en fait. Et du coup, essayer de penser avant tout pour les autres. Plus que pour nous. Je pense que c'est peut-être ça, en gros. C'est se responsabiliser, se dire, et puis se dire surtout que, au final, même si on n'est qu'un tout petit truc, on est responsable de ce qu'on fait, et du coup, on a le pouvoir de faire des choses. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas prendre le premier paquet de chips que tu vas avoir sur une étagère de supermarché, en gros, remets en question ton choix. Est-ce que ton choix, il est parce qu'en gros, cette marque, tu la connais, et c'est le choix le plus simple qui s'offre à toi? Ou est-ce que c'est parce qu'en gros, t'as vraiment envie de prendre ce paquet de chips là, tu vois? Et du coup, ça, c'est un petit peu le problème. Encore une fois, c'est que tu passes des heures au supermarché, mais au moins, ça te permet de prendre des décisions qui sont vraiment les tiennes. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que c'est le marketing qui me dirige ou est-ce que c'est moi? Est-ce que je fais le choix d'acheter des marques que je sais que pas comme Monsanto, pas, enfin qui, en fait, on peut tous faire l'effort du coup d'être des gens meilleurs. Quand j'entends souvent les gens qui disent, oh merde, ça me fait chier les gens qui font la gueule dans les transports en commun. Et après, je les regarde, en fait, ils font aussi la gueule dans les transports en commun. Et du coup, moi, je me dis, mais souriez, en fait, ça vous coûte rien et vous avez le choix d'être actif. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, au jour le jour, on fait des milliers de choix. Et en fait, on choisit d'être passif, et je pense qu'il faudrait qu'on se réveille, et du coup, qu'on commence à sourire, on commence à diffuser des bonnes énergies. Bon, moi, quand je me mets à sourire dans le métro, bon, ça fait rire les gens, parce que c'est un peu différent, mais du coup, ça les fait rire aussi. Et moi, à la base, même si je me suis forcé à sourire, au bout d'un moment, juste en souriant, ça me fait marrer, en fait, ça me fait bien rire. Voilà. Moi, je voulais réagir à l'exemple. Tut. Ouais, je voulais réagir à l'exemple parce que justement, tu dis que quand on nous fait une proposition quelque part, ou un comportement, ou une idée, c'est vrai que face à ça, on a où on réagit avec un acte immédiat, c'est-à-dire on reçoit et on prend. Ou alors, c'est vrai qu'on fait, on fait tourner un peu le cerveau, mais par rapport à des expériences personnelles ou même l'idée qu'on s'en fait. Alors, je voulais donner un exemple parce que moi, je le fais des fois. Toi, tu parlais de chips, mais je voulais dire, tu vois, quand t'as le rayonnage de déodorant, je prends jamais le premier parce que j'ai l'impression que quelqu'un s'en est mis. Donc, je vais prendre plutôt le deuxième. Et donc, pour parler, disons, nuit debout, je me dis que sur l'offre politique, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il va encore nous remettre devant sur l'étagère les mêmes. Et que si les citoyens ne commencent pas à faire un effort pour essayer de voir ce qu'il pourrait y avoir derrière, par eux-mêmes, évidemment, ils vont encore en prendre un qui est sur l'étagère. Quoi. Voilà. Quelqu'un veut intervenir ? Oui. Je voulais revenir sur la question de comment essayer d'utiliser les méthodes, la méthode scientifique dans le monde, dans les sciences sociales et dans la politique. Et tu disais que c'était très bien en sciences sociales d'essayer d'avoir un maximum de visions différentes et d'opinions. Mais est-ce qu'un des problèmes dans la manière dont se construit le monde politique, c'est pas justement qu'on a une overdose d'opinions et très peu d'informations? On a une liberté de la presse qui fait que, en fait, c'est une liberté de donner son opinion. C'est une liberté qui est très limitée parce que les médias ont des contraintes de reproduction, enfin de production. Ils appartiennent à des lobbies, à des intérêts, à des, enfin des intérêts privés ou multiples. Mais surtout, ils ne font que donner des opinions, enfin, presque que ça. Lorsqu'on parle de la loi El Khomri. Ce qu'on a, c'est l'opinion de machin contre l'opinion de machin contre l'opinion. On va avoir une dizaine de partis qui vont donner leurs opinions. Certains, on leur donnera 5 minutes la parole, d'autres, on leur donnera des heures. Mais on aura juste des opinions et très peu d'informations. Alors que la base, ça devrait être dans le monde, un dossier de 50 pages sur quel est le monde du travail en France. Ça devrait être qui crée les emplois, dans quel contexte. Quel est le niveau de chômage, quand est-ce qu'on supprime les emplois, quels sont les emplois, pourquoi il y en a en France, pourquoi il y en a d'autres à l'étranger. Et ça devrait être ça, la base, avant que les gens puissent créer puissent, à partir de ces informations-là, donner leurs opinions. Qu'est-ce que je veux dire? Et même à partir de là, ça demanderait aussi de faire des méta-analyses, puisque si on donne le taux de chômage, oui, mais alors c'est quoi? C'est catégorie A, c'est catégorie B ou C? Comment on a défini ces catégories? Comment on les a mesurées, calculées? Puisque tout ça, ça influe énormément sur le sens de l'information qui est donnée, même si elle peut être tout à fait factuelle. Et enfin, dernière chose, c'est que même ici, à la Place de la République, on reproduit, je pense, en partie cette erreur, où tout le monde donne son opinion, et c'est très bien, mais où c'est très difficile d'avoir accès à toutes les informations, et quand quelqu'un donne son opinion, bah voilà, mais sur quelles informations se base-t-il, qu'est-ce qu'il est, c'est les connaissances qu'il a, sur quoi il se base. Alors on va écouter une dernière intervention, puis Lucas, tu réponds et tu clôt. En fait, je voulais juste revenir sur un petit point de ce que tu disais. C'est vrai que ça serait vachement bien si on avait plus de sources dans les médias, etc., qui nous donnaient plus accès à leurs sources, sur quoi elles se basent, etc. Par contre, je pense pas que ça soit possible de donner des faits sans opinion derrière. Je pense que l'objectivité, elle n'existe pas vraiment. Et que du coup, oui, il faut les sources, mais il y aura toujours des opinions qui sont données derrière. C'est inévitable. Je pense qu'elle a répondu à ta question. Un peu vrai, je vous en discuterai. Bon, je ne sais pas trop quoi dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que c'était c'était un peu du cafouillage, mais j'étais content des débats qu'il y a eu, même si c'était des trucs qui tournaient autour du scepticisme. Donc je suis super content d'avoir pu en discuter avec vous. Et puis si jamais vous me croisez dans Nuit Debout, n'hésitez pas à me parler. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer des gens. Je trouve que c'est un espace de rencontre et c'est ça qui est cool. Voilà, merci.